Renki, l'éléphant. Ryoto, jeune moine bouddhiste, se plaint de ne pouvoir tenir sa pensée en repos. Elle saute sans cesse comme un cabri. Ou comme un éléphant sauvage, dit le vieux maître zen. Ryoto, voyant pétiller l'œil de son maître, devine qu'il va lui conter une histoire, et il s'assied à ses pieds à l'ombre du bananier. Renki était un éléphant sauvage que l'on captura à l'âge de 3 ans. Une robe gris clair, sans défaut, les défenses longues, minces et pointues, des oreilles en forme triangulaire parfaite, un beau mâle que son maître, un marchand d'éléphants dressés, espérait vendre un bon prix au seigneur du royaume. On attacha Renki à un piquet au bout d'une corde très solide. Le jeune éléphant se mit à se débattre avec énergie, avec furie. Il ruait, piétinait sauvagement la terre sous ses lourdes pattes, barrissait à fendre l'âme. Mais le piquet était bien enfoncé et la corde épaisse. Renki ne pouvait se débarrasser ni de l'un ni de l'autre. Alors il entra en rage désespérée, mordant l'air, levant la trompe, barrissant lamentablement vers le ciel. Il s'épuisait, en effort et en cri. Quand, brusquement, un matin, Renki se calma. Il ne tira plus sur la corde, ne maltraita plus le sol de ses 4 pattes, ne fit plus trembler le voisinage de ses barrissements. Alors, le maître le détacha. Il put aller d'un endroit à l'autre, portant un baril d'eau, saluant chacun, rendant service à la communauté. Il fut heureux et libre. Ta pensée est comme un éléphant sauvage, dit le vieux maître à son disciple. Elle prend peur, saute en tous sens et barrit aux 4 vents. Ton attention est la corde et l'objet choisi de ta méditation, le piquet enfoncé dans le sol. Calme ta pensée. Apprivoise-la. Maîtrise-la. Et tu connaîtras le secret de la vraie liberté.